Les persiennes en étaient closes. Frédéric la parcourait des yeux, en se rappelant le tapage de l'autre nuit, lorsqu'il remarqua au milieu, sur la table, un chapeau d'homme, un vieux feutre bossué, gras, immonde. À qui donc ce chapeau? Montrant impudemment sa coiffe décousue, il semblait dire « Je m'en moque, après tout, je suis le maître ». La maréchale survint. Elle le prit, ouvrit la serre, l'y jeta, referma la porte. D'autres portes en même temps s'ouvraient et se refermaient. Ayant fait passer Frédéric par la cuisine, elle l'introduisit dans ce cabinet de toilette. On voyait tout de suite que c'était l'endroit de la maison le plus hanté, et comme son vrai centre moral. Une perce à grand feuillage tapissait les murs, les fauteuils et un vaste divan élastique. Sur une table de marbre blanc s'espaçaient de larges cuvettes en faïence bleue. Des planches de cristal, formant étagères au-dessus, étaient encombrées par des fioles, des brosses, des peignes, des bâtons de cosmétiques, des boîtes à poudre. Le feu se mirait dans une haute psyché. Un drap pendait en dehors d'une baignoire, et des senteurs de pâte d'amande et de benjoin s'exhalaient. « Vous excuserez le désordre. Ce soir, je dîne en ville. » Et comme elle tournait sur ses talons, elle faillit écraser un des petits chiens. Frédéric les déclara charmants. Elle les souleva tous les deux et, haussant jusqu'à lui leur museau noir, « Voyons, faites une risette. Baisez le monsieur. » Un homme, habillé d'une sale redingote à collet de fourrure, entra brusquement. « Félix, mon brave, dit-elle, vous aurez votre affaire dimanche prochain, sans faute. » L'homme se mit à la coiffer. Il lui apprenait des nouvelles de ses amis. Madame de Rochegune, Madame de Saint-Florentin, Madame Lombard, toutes étant nobles, comme à l'hôtel d'Ambroise. Puis il causa théâtre. On dînait le soir à l'Ambigu une représentation extraordinaire. « Irez-vous ? » « Ma foi, non. Je reste chez moi. »